De le tuer lequel? Comment peut-on faire? Vous ne pouvez pas. Il dit des conneries. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire. Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. Tu l'admires, n'est-ce pas? J'admire sa pureté.